ndako basezera ka sheria yozuwelekiye Nabo ingo zuwele kadekete mizo Niyaka papa zuwa na mezi Soki elekiye koruka sebe bao Nasima oko yako regrete Mwasi na yo Oya ya sherie komande likambo mosusu Zuwele kaye akama soba rapangyo Mwasi akende zando nizo anataka nataka ye Akende toalete asezera kaye Matika kaba jonsu keba pesa kaye napo Atuna kabana nanya ya kina simana ye Mote mana ye se moto moto atona barye pose Papizon monte ma Sans un modèle Oya ya chérie commande li kambo mosusu Zuele kaye akamazo baba fangyo Mwasi akene zato lizo na nakala nakaye Akene toalete asenze la kaye Ati kakaba jonsu treba pesa kaye rapo Atu nakabana nanya ya kina simana ye Mote mana ye se moto moto atona barye ponse Salaka pela combien ce papa Tango mon susu na kamasi na yo La bolingo sua soki ele kimeka ebe bisaka makambo Suka suka la ya kose boka wani ibareke Oh, Ikambo ya soni papa lako sarapo ye Wapikilo ya kamwasi na yona miso ya bato Ula misato ya jipala toba diviso Nazara kase pitele paina yo Denge nini oswe la kanga papo idepo ye Na ya kideli bala na ya kiprizote Na conscience la gana ye bite la zali mwasi na yo Benda ye biko disenge mabe na malamu Bizo Pesa kanga ya confiance Lizo mote mazambe Lizo Ye maka lizo Lizo Sala kape na mbandate Lizo Sala senga pesa kanga Lizo Ye mako nini susu na koruka Lizo Oboni mote mazambe Lizo Sanda kapo yete kito mote ba Lizo Ona ye maka ya mwete lizo mote Lizo Sanda kapo yete lizo mote ba Lizo Oho sase mote lezambe Lembisa suwa Lizo Lembisa suwa Lizo Casco bleu Attaqué Bruno Yamani Banyo Oh, elle en côté Yamani Banyo Elle en côté Marabouin Bruno Et la porte noire A gauche, à droite, à gauche, à droite, bloqué, bloqué, passe. C'est pour la collègue. Mon patient, la bégaine. En direct de Massimani, cité d'ambiance. C'est le pilote Mambouya, tout en safari. Bassa et là je le bats. C'est le grand bonheur, ça. Aïe, aïe, aïe, miso, dikazoua, oh, oh. Dikazoua, dikazoua, papi, ça monte ma sape, oh. Aïe, aïe, aïe, miso, dikazoua, oh, oh. Sauve de kaboyete, à ça monte ma sape, oh. Aïe, aïe, aïe, miso, dikazoua, oh, oh. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. Qui casoua, qui casoua, papi, son monté ma sable. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. Qui casoua, qui casoua, à sa monté ma sable. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. Aïe aïe aïe, l'histoire du casou. La polenta. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Bloqué, bloqué, passe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, a